comme si l'on se connaissait, comme si on s'était déjà vu, comme si on avait le cœur encore frais, comme si on s'était déjà vu, comme si on avait le cœur encore frais, comme si on avait habité la même ville, le même quartier.